Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comme tous les films de la série Comédies et Proverbes, Les nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer s'ouvrent par un dicton. Qui a deux femmes perd son âme, qui a deux maisons perd sa raison. Les deux maisons sont en l'occurrence celles de l'héroïne Louise, interprétée par Pascal Augier, qui, pour préserver son indépendance, choisit de prendre un pied-à-terre à Paris, en plus de l'appartement qu'elle partage à Marne-la-Vallée avec son compagnon Rémi, interprété par Tchéky Carillo. Elle peut ainsi profiter des nuits de la capitale avec son ami Octave, joué quant à lui par Fabrice Lucchini. Le 9 septembre 1984, sur France Culture, 10 jours après la sortie du film, Claude Jean-Philippe diffusait dans son émission Le cinéma des cinéastes un entretien enregistré avec Rohmer quelques semaines plus tôt. Ce dernier y évoquait ses sources d'inspiration pour le film, son choix des décors et des interprètes, et la façon dont Pascal Augier avait participé à l'invention du personnage de Louise. Ce fut hélas l'un de ses derniers rôles au cinéma, puisque la comédienne, que Rohmer avait aussi dirigée au théâtre dans La petite Catherine de Heilbronn de Kleist quelques années plus tôt, mourrait quelques semaines plus tard, le 25 octobre 1984. Le cinéma des cinéastes, Éric Rohmer pour Les nuits de la pleine lune, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 septembre 1984. Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes, ce sont les acteurs, les actrices. Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné. Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe. Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, du goût. Que Paris était beau à la fin de septembre. C'est un vers de Guillaume Apollinaire, et je dois dire que pour préférer le cinéma au paysage de Paris ou de la France au mois de septembre, il faut de très bonnes raisons. Ces très bonnes raisons, ce sont les nuits de la pleine lune d'Éric Rohmer qui nous les fournissent. C'est un film à tous égards admirable. Et Éric Rohmer nous a fait une fois de plus l'amitié de nous recevoir pour un nouvel entretien sur ce nouveau et magnifique film. Éric Rohmer, je voudrais que nous partions soit du commencement, soit de la fin, en parlant du titre. Alors, est-ce que le titre est venu tout de suite, ou bien est-ce qu'il est venu, le titre qui est un très beau titre, Les Nuits de la Pleine Lune, est-il venu alors que le scénario et le film étaient déjà entrepris? Oui, il est venu au moment où j'ai écrit la scène avec le peintre, c'est-à-dire assez tard. Assez tard. C'est-à-dire la scène où Pascal Augier rencontre ce peintre... Dans un café, la nuit. Oui, et j'avais l'idée de cette scène d'ailleurs très tôt, mais je n'avais pas encore traité. Mes scénarios ne sont pas écrits dans l'ordre chronologique. Je vous ai déjà dit, je crois, autrefois, que je commençais par la dernière scène. C'est la dernière scène qui est écrite en premier lieu, toujours. Alors, puisque nous y sommes, parlons-en. Les scénarios ne sont pas écrits dans l'ordre chronologique, mais parfois, certains sujets anciens, c'était le cas pour Pauline à la plage, puisque vous aviez dit, quand nous avions parlé ensemble de Pauline à la plage, vous nous aviez dit qu'il s'agissait d'un scénario que vous aviez en tête depuis très longtemps déjà. Alors, est-ce que c'est le cas pour Les Nuits de la Pleine Lune ? Non, ce n'est pas le cas. C'est un scénario assez récent, relativement récent, auquel j'ai pensé, si je ne me trompe, au moment où je préparais le beau mariage. Donc il n'est vieux que de 2 ou 3 ans. Et est-ce qu'on va savoir ce qui vous l'a inspiré ? Bien, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, rien de particulier ne me l'a inspiré. C'est... Bon, alors, entrons dans le scénario. Voulez-vous que, pour nos auditeurs, je lise le synopsis qui est... Oh, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce synopsis, je crois que c'est moi qui l'ai écrit, et j'en suis pas encore certain. Mais de toute façon, ça donne une idée assez maigre et assez piètre du film. Enfin, je n'aime pas tellement les résumés. Oui, mais alors, surtout dans votre cas, parce que justement, si je vous posais la question, c'est parce que moi-même, j'avais pas très très envie de le faire, dans la mesure où il faudrait un vrai talent d'écrivain pour tenter de retrouver la richesse d'un tel film. Alors, tout de même, vous me dites que vous ne savez pas comment le sujet vous a été inspiré, mais une chose est frappante pour n'importe quel spectateur, c'est à quel point ce film part d'une observation. Alors, peut-être sur ce film, peut-être sur d'autres de la même série, peut-être encore sur les contes moraux, si on veut y revenir. Vous n'avez rien, quand on vous regarde, d'un voyeur. Et pourtant, vous êtes un observateur. Et il semblerait que vous ayez vraiment écouté la leçon de Renoir jusqu'au bout, à savoir qu'il faut se méfier de l'imagination, et il faut partir des choses qu'on voit, des choses qui vous entourent. Alors, comment observez-vous ? Oui, enfin, j'observe, mais en même temps, j'invente. L'invention est importante. Il y a une structure. Il y a une structure qui est une structure purement inventée. Il y a une situation. Et cette situation, je ne l'ai pas observée. Je ne l'ai jamais... J'ai le point de départ, si vous voulez. C'est-à-dire l'idée d'une femme qui a envie d'être indépendante. L'idée même d'une femme qui a envie d'habiter, d'avoir un appartement à elle. Bon, c'est peut-être une chose d'observation. C'est une chose même à l'heure actuelle qui est extrêmement fréquente. Disons que... il est possible que j'ai rencontré un grand nombre de couples de ce genre, c'est certain. Bon. Et qui d'ailleurs, d'une certaine façon, non seulement le font, mais éprouvent quand même le besoin de s'en justifier. Oui, avec l'épaule, le besoin de s'en justifier, bien entendu. Mais ce qui arrive ensuite, c'est avec toutes les péripéties, bien c'est une chose de pure invention, pour laquelle je n'ai absolument aucun modèle parmi les gens que je connais. Oui, mais alors, pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, vous dites le résumé importe peu, ce qui compte, c'est évidemment ce qui se déroule sur l'écran. Alors, prenons tout de suite un exemple. Cette fête, qui est le premier nœud dramatique et psychologique des Nuits de la pleine lune, qui est une scène étonnante. Enfin, je voudrais inviter les spectateurs, ceux qui nous écoutent, à aller voir ce film en raison de ce qui se passe en particulier dans cette scène, qui est une scène à la fois d'un très profond humour, d'une très grande acuité ironique, et en même temps qui s'avère bouleversante dans sa conclusion. Alors, je voudrais savoir comment, si d'abord, l'idée de cette fête est très importante, puisqu'il y en a deux, en fait, dans le film. Bon, mais je vais vous raconter quelque chose d'amusant. C'est que, personnellement, je ne sors pas. Je sors pour essayer de dire jamais. Bon. Et j'avais envie de mettre une fête, et je voulais savoir un peu comment les fêtes se passaient. Et j'ai cherché à aller dans des fêtes. Eh bien, j'ai vraiment pas eu de chance, parce que il n'y a pas eu de fête pendant les 6 mois qui ont précédé le film. Bien que j'ai demandé aux gens les plus mondains de Paris, les gens qui organisent des fêtes, si je pouvais être invité, eh bien, ils n'ont pas fait de fête. Je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était une période creuse. Et la seule fête qu'il y a eu, ou alors tous ces gens-là sont venus d'ailleurs très heureux, ça a été celle que nous avons organisée pour le film. Par conséquent, vous voyez ici, je n'ai pas eu le loisir d'observer beaucoup. Oui, non, mais il faut dire que dans cette fête, il y avait des gens qui étaient des gens qui avaient l'habitude d'aller dans les fêtes. Et ce genre de fête. Et par conséquent, il y avait la vérité. La vérité a été donnée sur le moment même. C'est-à-dire que je n'ai pas dit aux gens, placez-vous comme ça, c'est ainsi qu'une fête se passe. Mais j'ai eu les gens, précisément, la sorte de gens pour figurer, qui sont les gens qui assistent à ce genre de fête. Et par conséquent, ça s'est passé tout seul. Mais d'ailleurs, le mot fête dit bien la chose, puisque jadis, on disait soit réception, soit surprise partie. Oui. Alors, ce qui frappe dans la vôtre, comme dans celle très rare où je me suis rendu parfois, ce que vous vous dites jamais, moi, c'est deux ou trois fois dans ma vie, ce qui frappe et ce que vous rendez admirablement, c'est que les intimes, soudain, vous semblent étrangers et que, en revanche, des inconnus viennent au premier plan de votre vie par une sorte de paradoxe. Oui, c'est certain. Est-ce que c'est nouveau, ça, ou est-ce que c'est nouveau dans la société où on vit, ou bien est-ce que c'est... Mais écoutez, là, je ne peux pas vous dire. Si vous voulez, il y a un côté dans tous mes films qui est documentaire, qui reste documentaire, que je veux documentaire. Oui. Et dans ce cas-là, les choses se passent au moment même où je les filme. Si vous voulez, je réunis des conditions qui sont telles que la mise en scène se fait d'elle-même. Je n'ai pas d'idée a priori. Si par exemple je faisais un film sur une fête au temps de Napoléon III, eh bien je serais obligé de faire appel à toute mon érudition ou à celle de spécialistes pour savoir comment ça se passait. Et à ce moment, je donnerais des instructions aux gens en leur disant mais faites ça, mettez-vous comme ça, marchez comme ça, prenez votre verre dans la main de telle façon. Mais là, ayant des gens vrais, si vous voulez, étant dans une vraie fête, parce que ce que je voulais faire, c'était organiser une vraie fête. J'ai pas fait une fête pour le cinéma c'est accessoire. Il s'est trouvé qu'il y avait une caméra, mais les gens étaient là pour la fête, et certains même n'ont pas vu la caméra ou sont partis avant qu'on tourne. Mais c'était très important qu'il y ait du monde qui vienne là pour, comme il viendrait à une autre soirée. Alors, une autre chose est frappante. C'est le décor que vous avez choisi est un décor d'un appartement ancien, d'appartement du 19e siècle. Les deux, oui, effectivement, effectivement. Et alors là, oui, c'est un choix délibéré. Et il y a une opposition entre ce décor ancien et les gens modernes, d'une part, qui sont dans ce décor, qui assistent à cette soirée, et d'autre part, avec les décors modernes, où habitent les personnages. Voilà. Mais cela dit, je ne saurais pas vous dire quelle est la raison profonde, sinon que je pense qu'il était important de montrer des contrastes, et en particulier de montrer la variété de Paris, de montrer le fait qu'il y a une permanence de décor et qu'à l'intérieur de ce décor se passe un renouvellement, qu'il peut y avoir très bien un mélange de décors anciens et de costumes modernes et vice-versa. Et aussi pour ne pas tomber dans cet esthétisme qui consisterait à donner un seul même décor à un film, ça, qui est une chose qui fait très, très faux, parce que la vie n'est pas comme ça. Oui, et d'ailleurs, vous faites très attention aux heures. Moi, je suis très sensible, parce que je suis très sensible à cette heure-là de la journée, qui est l'heure où on quitte son travail en novembre. Oui. C'est surtout sensible l'automne, c'est vers 7h, le 7h du soir en automne, où la nuit est déjà profonde, et pourtant, ce n'est pas encore la nuit de fête, c'est puisque elle vous donne l'occasion de ce long dialogue entre Octave et Louise à ce moment-là. Là, il semblerait que vous ayez le souci également de l'heure, enfin. Oui, enfin, j'ai le souci de l'heure, dans tous mes films, et effectivement j'aime bien les heures entre chien et loup, c'est certain, et je crois que jusqu'ici je n'avais jamais montré l'hiver, le soir tombant en hiver, je crois que c'est la première fois en novembre, c'est là que c'est le plus, il y a une fraîcheur en plus dans l'air qui n'est pas le froid vif. Mais qui est tout à fait l'automne de Paris, et qui crée d'ailleurs un climat mental tout à fait particulier. Oui. je voudrais que vous me disiez ça, parce que j'ai mis novembre, en fait ça a été tourné en janvier, mais en fait ce qui compte c'est ce qui se passe dans le film et non pas au tournage. Bien, alors vous dites chien et loup. Oui. Ça me donne tout de suite envie de vous parler de quelque chose dont j'avais envie de vous parler, et dont vous parlez vous-même dans l'entretien avec Jean Narboni, du livre que vous venez d'interview et d'articles que vous venez de publier. Et c'est vous-même qui prononcez le mot gêne. Il semblerait que la gêne vous intéresse. Prenons un exemple précis dans le film. Dans cette fête, il y a un sentiment à la fois de gêne et de plaisir. Gêne du héros, Rémi, enfin du personnage qu'aime Louise dans le film, et qui est horriblement gêné de se trouver là pour plusieurs raisons, parce que d'une part on ne l'attendait pas vraiment, et parce que d'autre part il ne ressent aucun plaisir à se trouver dans ce genre de fête. Alors je voudrais que vous parliez un peu de la gêne en général. Mais la gêne, effectivement, disons que la gêne me gêne moi aussi, mais enfin c'est bon. C'est normal. Je disais gêne existentielle, parce qu'il est certain que tout le roman existentialiste a joué là-dessus. Mais cette gêne, on la trouve chez les ancêtres de l'existentialisme du XXe siècle. Quand je parle d'existentialisme, je veux dire la littérature qui s'inspire de Joyce, par exemple, ou de Faulkner. Encore que chez Faulkner, la gêne n'est pas tellement forte. On trouve chez Dostoïevski, par exemple, l'idiot est fait sur la gêne. Hein. Et on le trouve aussi chez Kleist. Il y a la gêne dans la Marquise d'Eau et dans d'autres nouvelles de Kleist. C'est un sentiment moderne, je crois, et qui aurait rempli... C'est une catégorie nouvelle. C'est une catégorie qui ne s'intègre ni profondément au tragique ni au comique. Notez que la gêne peut être comique, elle peut être également douloureuse, mais c'est une chose un peu différente. En cela, peut-être que ça vous intéresse, non ? Bah, effectivement, ça intéresse, et il est certain qu'au cinéma, c'est une chose que l'on trouve assez rarement, sauf involontairement, enfin, dans certains films, il y a une gêne qui n'est pas voulue, le spectateur éprouve une gêne que l'auteur n'a pas voulu, c'est parce qu'il ne... Bon, c'est parce qu'il n'a pas réussi à exprimer ce qu'il voulait. Mais j'avais signalé, oui, dans l'entretien dont vous parlez, je faisais allusion à une scène du film de Marcel Carné, Les Portes de la Nuit, et il est certain que il y a ce sentiment est très fort, de même qu'il est on le trouve également dans Quai des Brumes. Je ne sais pas si cela vient de Carnet ou de Prévert, je crois que ça vient d'un accord entre les deux. Enfin, mais c'est très. Mais il est certain que c'est peut-être plutôt Prévert que Carnet. Ou l'époque, puisque La Nausée et Quai des Brumes sont de la même année, 38. Oui, c'est l'époque, c'est ça. Non, mais j'ai dit que L'Hôtel du Nord, qui est un très beau film d'ailleurs, très très beau, j'aime beaucoup, il n'y aurait pas ce sentiment-là. Enfin, on en trouverait plutôt dans les films avec un dialogue de Prévert, oui, certainement. C'était avec une présence de Le Vigan, enfin, qui pourrait incarner. Dans Le Vigan, trop, mais là c'était avec Montand qu'on le trouvait, et c'était très. Et c'était également très remarquable. Bon, en réfléchissant sur la gêne et sur, enfin, la gêne des personnages et un certain inconfort, mais qui est paradoxalement ressenti comme un plaisir par le spectateur vis-à-vis de vos personnages. Alors, est-ce que la gêne ne serait pas une sorte de ponctuation ou de transition de la vie psychologique? C'est-à-dire que vous dites qu'elle appartient à la comédie et à la tragédie, mais est-ce qu'elle n'appartiendrait pas, est-ce qu'elle serait pas la transition en va-et-vient entre le tragique et le comique, éventuellement? Oui, mais enfin, quand je parle de la gêne, je crois qu'enfin, la gêne, si elle la gêne, s'il y a un peu de gêne dans mes films, je crois qu'elle est très discrète, alors qu'une grande partie du cinéma moderne, depuis les années 60, est fondée là-dessus. Mais une gêne qui est une sorte de provocation et qui finalement, peut-être d'après vous, n'est plus de la gêne, alors, dans ce cas-là. Non, qui est de la complaisance. Ce qui est tout le contraire, enfin, qui est une sorte de culte du dégoût de soi, enfin, qui est tout ce contre quoi nous avons lutté. Il y a des films dans lesquels, disons, le bon public, disons, une partie du public est tout de même gêné par l'espèce d'agressivité qu'il y a et la crudité et du film. Donc on est pauvre. Mais cela, vous n'avez pas de la gêne. Je parlerais plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de ce que nous avons ressenti très fort dans Un beau mariage et dans Pauline à la plage, et d'une certaine façon dans celui-ci, et qui tient en particulier à cet équilibre très, très, très savant que vous maintenez entre l'intérêt que nous éprouvons, qui est très vif pour vos personnages, et avec le risque que vous prenez comme Hawks d'une certaine façon, que nous ne les trouvions pas fatalement sympathiques. Il est évident que la scène chez l'avocat dans Le mariage est faite sur la gêne, mais à ce moment-là, c'est une gêne qui est, disons, peut-être plus classique, plus comique, enfin, qui est intégrée à une sorte de mouvement comique. Oui, mais cette dimension-là peut-être s'introduit de plus en plus chez vous. La comédie. La comédie, oui, alors vous trouvez, alors ça c'est une question que je pourrais vous poser, vous trouvez que les Nuits de la pleine lune sont un pas de plus dans la comédie, ils sont plus comiques que les... Attendez, je ne dis pas qu'on rit aux éclats, mais je dis que le sentiment d'ironie est tellement... Je pense par exemple à une toute petite chose, quand Rémi retrouve Octave dans cette fête et que le simple salut entre eux, et la tête d'Octave et la tête de Rémi à ce moment-là, il y a un rire profond. Oui, enfin là je suis de votre avis, enfin je... je serais content qu'on rit parce que les acteurs ont été remarquables, ils ont été prodigieux. Vraiment, ils ont été très, très, très, très bien. Oui, ça, à ce moment-là. Mais d'ailleurs, je veux dire une chose, c'est un plan pour lequel je fais peu de prises, mais enfin, j'avais fait deux prises ou trois qui étaient toutes admirables et je n'ai su entre lesquelles choisir parce que chaque fois, ce salut s'exprimait d'une façon différente. Il y avait une très grande variété. Mais c'est extraordinairement drôle. Enfin, je pense à une scène, alors là, qui est une scène, alors dans la tradition même de la comédie française, qui est la scène où Louise, ayant proclamé son désir d'indépendance, ayant proclamé son désir de vivre des soirées seule chez elle, ayant proclamé, enfin, d'une manière très belle d'ailleurs et et avec beaucoup de d'allure, enfin avec beaucoup de d'aristocratie, se retrouve seule chez elle, et le récit par la caméra, par votre seule présence dans sa chambre au moment d'une de ces soirées solitaires, le démenti que vous lui opposez est tout à fait drôle, sans être accablant pour elle. Oui, enfin bon, disons que je suis fidèle à mon titre, Comédie et Proverbe. Mais est-ce que là, oui, mais enfin bon, mais alors, est-ce que l'envie de faire des choses plus franchement drôles vient d'une plus grande assurance aujourd'hui de votre art? Ben, je ne sais pas. Disons que je ne pourrais pas écrire, je ne pense pas. J'ai essayé parfois d'introduire des textes qui soient vraiment comiques, qui soient vraiment des textes de comédie. Et je me suis aperçu que ce n'était pas mon fort et qu'il valait mieux. Enfin, ce dont je suis capable, c'est d'écrire un texte sans y apporter une nuance comique particulière, un texte tout à fait vraisemblable et sans aucune exagération comique. Et à ce moment-là, il peut servir de plateforme à une interprétation comique. Par exemple, si je prends tous les acteurs, et non seulement Fabrice, mais Pascal, il est certain qu'ils ont une façon de dire certaines phrases qui les rendent drôles, alors que sur le papier, elles ne sont pas nécessairement. Bon, alors, une curiosité très simple. Les personnages étaient écrits en fonction d'acteurs précis, ou bien, comme d'habitude, des acteurs sont venus incarner ces personnages et les prendre en compte? Comme d'habitude, oui et non, parce que je ne sais pas. Non, d'habitude, ce que je fais, c'est que j'écris une histoire. Et quand j'écris cette histoire, je ne pense pas à des personnages précis. Je pourrais faire appel à d'autres comédiens. Mais à partir du moment où j'ai pensé à des comédiens, je me mets à ce moment-là, simplement à partir de ce moment-là, que je me mets à écrire le texte. Ah, le texte précis, enfin le dialogue lui-même. Le dialogue lui-même. Et il y a, dans mes films, une certaine collaboration entre les acteurs et moi. Mais c'est une collaboration qui est très difficile à définir. Enfin, la seule fois où il y en a une de véritable, ça a été dans La Collectionneuse, parce que là, vraiment, j'ai... certains acteurs ont presque écrit leur texte. Bon, alors dans ce cas-là, on peut appeler cela une collaboration. Pour le reste, c'est très difficile à dire, parce que je n'ai aucun mot qui soit satisfaisant. Je ne peux pas dire, comme dirait un autre cinéaste, que mes acteurs soient des modèles. Oui, ce n'est pas exactement ça, non. En tout cas, ils ne sont pas des cobayes, c'est-à-dire que je ne me sers pas de leur expérience, de ce qu'ils ont fait, je ne prends pas dans leur vie, je ne m'inspire pas de ça, pas du tout. Disons, j'ai le son de leur voix qui résonne dans mes oreilles quand j'écris, et d'autre part, nous avons quelques entretiens au magnétophone sur des sujets qui sont proches de ceux qui sont traités dans le film. Et alors, il est certain que certaines phrases qui sont dans mes dialogues sont des phrases qui m'ont été suggérées par des phrases des comédiens. Vous pourriez donner un exemple? Et c'est très difficile, parce que moi, je ne m'en souviens pas. Eux-mêmes ne s'en souviennent pas. Il est même arrivé parfois qu'un comédien me dit « Mais cette phrase est impossible à dire. Je ne dirai jamais quelque chose comme ça. Je peux pas dire ça. » Et je leur dis « Mais c'est vous qui l'avez dit et j'ai la cassette à l'appui. » Non, je ne peux absolument pas. En fait, très souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué, on m'avait reproché, par exemple, à propos du genou de Claire, d'avoir mis dans la bouche de la jeune fille de 16 ans, Béatrice Roman, des phrases qui étaient au-dessus de son âge. Bon. Or, c'était des phrases qui m'avaient été... que j'avais presque recopiées. Oui. Non, mais c'est toujours ainsi, parce que si quelqu'un, si par exemple, vous prenez un enfant, vous parlez avec lui, il vous dit une phrase qui paraîtrait dans d'autres circonstances une phrase d'adulte. Mais vous vous dites, puisqu'il l'a prononcée, dans ce cas-là, je peux bien m'en servir. Oui. Mais à ce moment-là, les gens sont choqués. Mais je préfère, si vous voulez, la vérité au vraisemblable. C'est-à-dire que si, même si quelque chose n'est pas vraisemblable et que cela soit vrai, eh bien, je l'adopte. Alors, pour en revenir aux comédiens qui ne sont ni des cobayes ni des modèles, il semble bien tout de même que, bon, si on observe les choses, qu'un certain nombre de vos comédiens aient été parfaits dans un de vos films, sans que pour autant, et c'est quelquefois dommage pour eux, cela signifie pour eux une carrière de comédien. C'est-à-dire qu'il semblerait que vous en vouliez... Alors qu'il arrive que Bresson, puisque c'est lui, il fut un temps où il demandait à ses modèles de n'être modèle que pour un film, en leur demandant presque de ne jamais plus faire de cinéma après lui, Il semblerait que vous ne l'ayez jamais demandé à personne. Au contraire, bien au contraire. Bien au contraire, et mais que il semblerait que vous utilisiez, alors ni cobaye ni modèle, mais peut-être la singularité d'une personne. Oui, mais enfin, les acteurs qui ont cette singularité peuvent s'inspirer d'autres metteurs en scène que moi. Je prends un exemple précis. Je prends Fabrice Luchini et Pascal Augier. Ah non, mais là, dans leur cas, il ne s'agit pas de ça. Dans tous les films où ils ont tourné, les uns les autres. Bon, je prends Pascal, elle a tourné dans Le Pont du Nord. Et dans Le Pont du Nord, elle est même co-scénariste. Par conséquent, elle a collaboré de façon plus étroite encore. Et elle est capable de le faire parce qu'elle a beaucoup d'imagination. Et quant à Fabrice Luchini, je crois que dans tous les films qu'il a tourné, même les plus commerciaux, vous voyez, il a toujours suggéré, changé le texte, il a toujours travaillé au texte lui-même. Et d'ailleurs, dans mon film, chose curieuse, il a très peu, il y a pour ainsi dire pas collaboré. Et j'avais écrit ce texte pour lui, en lui laissant la liberté de le transformer. Il a une telle personnalité que on a envie qu'il prenne des phrases et qu'il en fasse quelque chose d'autre. Eh bien, pas du tout. Il a respecté presque mot à mot ce que j'avais écrit. Mais l'intonation qu'il donne au texte fait que ça prend un tour très, très luchinien. Ah oui, ça, en particulier. Oui, oui, en particulier, il y a un texte qui est très romérien, oui, et qui est le texte du café. Si on connaît votre goût de l'anonymat, on connaît votre goût de, etc., qui est « Je ne suis pas mondain, mais… » etc. Et pourtant, ça devient un texte complètement du personnage. Du personnage et de l'acteur. Et en fin de compte, alors là, vraiment, c'est un texte que j'ai écrit. Il était question un moment, il a essayé de le charger, puis il m'a dit « Mais écoutez, si je disais le texte comme il est écrit, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et il s'est mis à le dire d'une façon telle que je lui ai dit « Mais oui, mais dans ce cas-là, c'est pas la peine de le changer. Gardons-le. » Alors, un autre élément que nous avons déjà évoqué tout à l'heure à propos de la fête, et qui est le rapport très bête et très banal de l'ancien et du nouveau, c'est-à-dire cette… si je me souviens bien du film, nous arrivons dans un immeuble très, très bourgeois du 19e siècle probablement, et apparaît cette créature en vert avec une franchise des couleurs qui est tout à fait contemporaine. Donc, il semble bien que, en tout cas, j'y suis de plus en plus sensible en regardant vos films, il semble bien que la plastique, l'architecture, la couleur, le graphisme, et peut-être une notion qui apparaît de plus en plus fortement, qui est la netteté, soit quelque chose qui vous passionne actuellement, puisque on ne peut pas détacher, par exemple, le personnage de Pascal Augier de son décor, enfin de ses deux décors, celui où elle vit avec Rémy dans une banlieue. D'ailleurs, le premier plan du film parcourt très très longuement l'extérieur de ces immeubles, nous attardons très longuement, et on en parle. D'ailleurs, c'est inclus dans le texte même du film, de ce décor et du travail même qu'accomplit le personnage de Pascal Augier, c'est-à-dire Louis, sur des objets contemporains. Alors, je voudrais savoir, à vos yeux, si c'est très important. Oui. Enfin, j'attache énormément d'importance au décor du film et à la plastique, effectivement. C'est ainsi, enfin, j'ai toujours voulu répondre aux critiques des gens qui disaient que mes films n'étaient que des textes, c'était simplement des pièces radiophoniques. Mais enfin, ça ne se dit plus maintenant, ça peut se dire à un certain moment, mais ça ne se dit plus. Mauvaise foi aujourd'hui. Ben oui, moi je pense que c'est l'élément visuel a une très grande importance. Et alors, je me suis beaucoup, toujours occupé de très près des décors, et j'ai rarement pris des décorateurs. Je n'ai pris de décorateurs que lorsqu'on travaillait en studio. Mais dans tous les films qui ont été faits en décor naturel, y compris La Marquise d'Eau, je n'ai pas eu de décorateur. Dans La Marquise d'Eau, il y avait un décorateur en titre, mais je ne me suis pas entendu avec lui, en fin de compte, il n'a rien fait. La seule personne qui m'ait aidé un tout petit peu pour le décor, c'est la costumière. Par exemple, c'est elle qui a eu l'idée des rideaux, qui effectivement joue un très grand rôle, des rideaux, des toiles, des voilages, qui joue un très grand rôle dans La Marquise d'Eau. Alors, tandis que là, il s'agit effectivement d'une décoratrice qui a du goût, et... Alors c'est alors que j'ai eu l'idée de faire appel à l'actrice elle-même, qui a du goût et des idées, et qui, au moment même, un peu avant même, je peux le dire, elle l'a peut-être dit d'ailleurs elle-même, au moment même où on tournait ce film, meublait et décorait son propre appartement. Dans ce cas-là, elle a eu toute initiative, et c'est elle que j'ai chargée de la décoration non seulement de la chambre de Louise, mais encore en partie de l'appartement de Rémy. Nous avons pensé que cet appartement de Rémy pouvait garder l'empreinte d'une part de Rémy et d'autre part de Louise, puisqu'ils habitaient ensemble. Alors, il y a un peu plus de Louise dans la chambre, oui, un peu moins de Louise dans la salle de séjour. Alors là, par Rémy, c'est moi qui l'ai assumé, c'est moi qui disposais les choses dans l'appartement. Mais c'est elle qui a trouvé les meubles. Les meubles qui sont chez Rémy sont des meubles qu'elle a trouvés elle-même, en faisant appel à de jeunes décorateurs. Et la plupart de ces meubles sont des prototypes, sont des meubles qui ne sont pas encore dans le commerce. Il y a une très très belle théière qu'elle offre à Rémy. Oui. C'est elle qui l'a choisie ? C'est elle qui l'a choisie, oui, dans une boutique qu'elle connaissait très bien. Mais c'est une antiquité. Curieusement, cette boutique qui paraît ultramoderne est une boutique d'antiquité. Ce sont des antiquités d'avant-guerre, des choses qui étaient d'avant-garde dans les années 30. Alors, ce qui est très étrange, c'est de voir, si on analyse un peu son goût, c'est une sorte de mélange, enfin, et le goût d'ailleurs autour d'elle, puisque les grandes écharpes de Fabrice Luchini, il y a un curieux dialogue, plutôt qu'un mélange, entre une colonnade qui est une colonne, un fût de colonne, oui, qui est, semble-t-il, une vraie colonne ancienne, oui, et d'autre part, des formes très neuves, très net, et il semblerait que votre goût personnel, là, entre en jeu. D'accord, mon goût personnel, disons que je n'ai pas en décoration de goût personnel. En tant, et surtout en tant que cinéaste, j'aime bien avoir... Enfin, d'être cinéaste, ça me permet d'avoir des tas de goûts, c'est-à-dire de m'intéresser, si vous voulez, aussi bien à l'époque du directoire de la Marquise d'Eau qu'au Moyen-Âge, ou que maintenant à l'art contemporain. Non, là où mon goût, mon choix intervient davantage, c'est peut-être dans les couleurs. C'est-à-dire que mon idée de ce film, dictée d'ailleurs par la mode actuelle, qui est une mode, qui était une mode, je ne sais pas si ça va durer, une mode de noir et de gris, était de faire un film sur fond noir et gris avec des taches de couleurs très vives. Et c'est pourquoi c'est moi-même qui ai choisi ces écharpes très vives. Je ne sais pas si les acteurs... livrés eux-mêmes, se seraient portés toujours vers ces couleurs-là. Enfin, c'est moi-même qui les ai imposées, si je puis dire. Alors, tout de même, on parle d'objets, on parle d'architecture, on parle de décoration, mais la peinture est là, puisque... et la peinture était là dans le film précédent, Pauline, puisque vous aviez vous-même parlé de Matisse. Oui, dans le précédent, c'était fond blanc avec des couleurs vives qui d'ailleurs étaient beaucoup plus restreintes. C'était simplement du rouge et du bleu, d'où la blouse roumaine de Matisse. Ici, c'est le fond noir avec des couleurs vives, mais un peu plus variées, mais plus agressives. Soudain, j'ai regardé, alors que Dieu sait si on s'intéresse à vos personnages, j'ai pourtant regardé avec attention la reproduction de Mondrian qui est, je crois que chez Rémy, là. Oui, c'est ça. Et que probablement Louise a posé elle-même. Oui, alors c'est le goût de Louise Mondrian, enfin, c'est le goût de Pascal Augier. Personnellement, je suis de la génération qui s'est détachée de Mondrian, c'est-à-dire qui a subi cette influence dans sa jeunesse et qui ensuite a essayé de réagir contre l'abstraction. D'ailleurs, je pense que mon goût du cinéma est une réaction contre l'abstraction. Bon. Et c'est assez curieux de voir que la jeune génération revient à Mondrian. Cela dit, peut-être pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons. Parce que je crois que Mondrian est moins considéré comme un peintre que comme un élément de décoration. Je crois. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais en tout cas, non, pour ce qui concerne ce tableau-là, enfin, je ne parle pas de Mondrian en général, mais ce tableau-là représente une figure qui fait tellement penser à la situation des personnages dans le film. C'est carré, encastré, et les uns par rapport aux autres avec une dissymétrie sur laquelle il faudrait probablement s'attarder. Il semblerait bien que cette espèce d'équilibre, à la fois très installé et en même temps dont il faut douter, soit un des sens du film, peut-être, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il y a eu une entente, si je puis dire, comment les choses sont passées. C'est-à-dire, je savais que Pascal aimait Mondrian, oui, énormément, et j'ai eu l'idée d'acheter deux reproductions de Mondrian, et à ce moment-là, je me suis emballé pour cet élément, pour la qualité décorative de cet élément. C'est très difficile, c'est extrêmement difficile d'accrocher des tableaux au mur, au cinéma. C'est un très grand problème. Et les opérateurs n'aiment pas les tableaux. Je sais que Nestor, en particulier, les déteste et disait, il trouvait toujours qu'il y avait quelque chose qui sortait de la tête. Il faut faire très attention. Et il est certain que Mondrian, au contraire, lui, est excellent pour servir de fond, de ce point de vue-là, simplement. Dans ce film-là. D'une façon générale, enfin, c'est très... Les couleurs de Mondrian sont à la fois très vives et en même temps savent se tenir à distance, c'est-à-dire elles ne mangent pas les personnages. Bon. Alors, c'est pour cela que j'ai choisi Mondrian, mais je n'y ai pas attribué de valeur symbolique particulière. Qu'il y ait une valeur symbolique, alors à ce moment, ça me dépasse, c'est une interprétation, peut-être que d'autres spectateurs sont comme vous, bon, mais là, alors, je n'y ai pas pensé du tout. Certainement. Alors, attendez, tout de même, alors, ne quittons pas tout de suite la question du décor. Vous dites de tous mes décors, sauf Perceval. Oui. Ce sont des décors inspirés par l'époque, la réalité des choses. Alors, le décor de Perceval a fait question, vous le savez bien, oui. Pour beaucoup de spectateurs, oui. Dont moi, je l'avoue maintenant, oui. Au moment de la sortie du film. Or, en voyant vos films maintenant, et en voyant en particulier celui-là, oui. Il semblerait que quelque chose, alors est-ce que c'est une impression personnelle, quelque chose de Perceval passe soudain dans les décors de Pascal Augier dans ce film-là. Je pense que vous avez raison. Il est certain qu'il y a quelque chose de plus... Je ne peux pas dire minéral, ce n'est pas exactement le mot qu'il faut employer, je ne pense pas. Mais enfin, de plus lisse, de plus figé que dans les autres. Il y a moins de nature, c'est certain, parce que c'est un film qui se passe dans du fabriqué, dans la ville. Il y a très peu d'éléments naturels. Tandis que dans les autres, il y a beaucoup de végétation, et beaucoup de vent, beaucoup de terre. Là non. Là, il y a des murs, il y a des objets. Mais le mot lisse est très important pour vous. Perceval également était très lisse. Mais moi, mon univers, j'aimerais plutôt un univers naturel, végétal. Enfin, je ne suis pas spécialement porté. C'est pour moi une étape à l'intérieur, si vous voulez, de ma promenade dans le monde qui est le cinéma. Mais je ne voudrais pas faire des films qui se situent tous dans un décor de ce genre. J'ai envie, maintenant, j'ai envie de faire un film, au contraire, dans lequel il y ait le feu, il y ait la terre, il y ait l'eau, il y ait la plante, il y ait tout. Restons-en aux nuits de la pleine lune, parce qu'il semblerait bien qu'on approche tout de même de ce qui singularise ce film par rapport aux autres, c'est que il y a lisse, bon, on peut dire lisse, polissée, civilisée, raffinée, et que voici des personnages qui sont arrivés les uns par rapport aux autres à un certain degré d'art dans leur vie, et en particulier le personnage de Louise qui aspire à organiser sa vie comme vous organisez vos films. Ou comme oui, pourquoi pas oui. En fête, en solitude, en conversation, en amour, etc. Qui aspire à organiser et qui dans tout ce qu'elle dit me paraît d'autant plus juste que c'est un discours que je tiens moi aussi parfois. Et voici qu'elle échoue. Alors est-ce parce que elle manque de talent? Ou est-ce que parce que le temps présent, est-ce que parce que quelque chose de la nature, humaine en l'occurrence, se rebelle contre un art qu'on voudrait lui imposer? Oui, en fait, tout ce que je peux dire là, c'est que dans les comédies et proverbes, ou du moins dans ces quatre premiers proverbes, l'échec n'est pas grave. Il y a des échecs, ils s'amènent tous par des échecs, mais on a le sentiment que c'est un échec provisoire. C'est parce que le héros a fait fausse route, mais qu'il pourra faire bonne route. Et je pense qu'elle a fait bonne route jusqu'à un certain point, mais il y a toujours une petite erreur commise, et c'est cette erreur qui fait qu'elle échoue. Mais il n'y a pas du tout une philosophie de l'échec. Et après avoir fustigé John Huston pour avoir bâti tous ces films sur la philosophie de l'échec, je ne vais pas, moi, la reprendre à mon tour. D'autant qu'en l'occurrence, le personnage de Louise, c'est un personnage pour qui, visiblement, vous avez de la sympathie. Oui, je pense que le public aura de la sympathie et compatira, il sera très triste à la fin. Enfin, je ne sais pas comment le public. Alors là, c'est un film pour lequel je n'ai aucune idée des réactions du public à l'égard du couple qu'elle forme avec Louise et Rémy. Est-ce que les gens seront pour le couple, c'est-à-dire pour le maintien, pour la durée du couple, ou au contraire, est-ce qu'ils pensent que c'est un, comme le pense Octave, que c'est un couple qui est près de sa fin? Mais est-ce que la question est vraiment là? Elle est à la fin, c'est-à-dire à ce moment-là, si on pense que Louise et Rémy ne sont pas faits pour s'entendre, à ce moment-là, c'est très bien qu'elle le quitte. Mais je pense que même si on le pense, il y a tout de même une tristesse à la fin. Et bien, est-ce que l'enjeu véritable, est-ce que l'enjeu moral véritable n'est pas une rivalité morale entre eux? Est-ce que on a tendance à en penser que Louise est une femme un peu légère, qu'elle se ment à elle-même, mais elle tient parole. C'est-à-dire quand elle dit à Rémy que s'il devait tomber amoureux de quelqu'un, elle aurait du chagrin, elle tient réellement parole. Elle a un vrai, profond chagrin. Oui. Alors que lui qui paraît être avec son tennis, sa vie carrée, sa morale, etc., qui paraît être exemplaire, s'avère au fond être très, très en désaccord avec tout ce que nous croyons savoir de lui. Oui. Il me semble que c'est une rivalité morale entre plus que de savoir si réellement il se trouve que visiblement elle aime les garçons de ce type. Ça, de ce point de vue-là, Octave a absolument raison. c'est-à-dire elle aime leur nature précisément, elle qui est tellement du côté de la culture. Mais je pense pas que les gens ressentent. Ce qui est important, c'est est-ce que Pascal Augier pleure juste ou pleure faux? Les trois fois où elle pleure dans le film, quoi. Oui, enfin, moi, je pense qu'elle pleure très juste, et qu'on est touché. Oui, et on l'est d'autant plus que ces pleurs arrivent comme par surprise. Elles sont surprenantes. D'ailleurs, on aurait pu, c'est dans des scènes qui auraient pu être jouées sans pleurs. Elles auraient pu. Et la question s'est posée. Et c'était une chose assez dangereuse. Ça a été merveilleux. Elle a réussi ces scènes si difficiles d'une façon extraordinaire. Absolument extraordinaire. Si on prend l'exemple de la première, qui est justement, puisqu'on a beaucoup parlé de cette fête, on voit bien comment Rémy refuse de jouer le jeu, en disant, très visiblement, je n'ai pas ma place ici, tout cela est faux, je m'ennuie, je m'en vais. Elle joue le jeu de cette fête. Or, elle n'hésitera pas à pleurer, elle ira devant tout le monde, ce qui est le signe d'une assez belle personne, tout de même. Et vous l'aviez écrite pleurant Oui. Non, mais ça, effectivement, je voulais les pleurs parce que je pense que les pleurs sont le signe de sa sincérité, l'expression de son pathétique. Parce que je savais que c'était une comédienne extrêmement pathétique, enfin, je la connais bien puisqu'elle a joué dans Catherine de Vellebrune. Et je pense que c'est nécessaire, mais en même temps, je ne savais pas ce que cela donnerait. Ça aurait pu être raté, ça aurait pu être faux. Et vous aimez quand même prendre ce genre de risque? Je pense qu'il faut prendre des risques. Je pense qu'il faut le prendre. Et sinon, enfin, c'est ce qui fait la qualité d'un film, je pense, le risque qu'on prend. Si on ne prend pas de risque, un film est une chose très plate et qui, en fin de compte, n'intéresse pas. Alors, risque supplémentaire, la deuxième scène de larmes avec Octave. Elle était encore plus difficile. Elle est encore plus difficile parce que là, la scène est comique. Comique. Oui. On est vraiment dans la gêne. Oui. Parce que là, d'ailleurs, on peut se demander. On peut interpréter ces larmes de façon différente. Enfin, on peut se demander s'il n'y a pas un peu de provocation. Comme un enfant, comme il y en a de la part d'un enfant qui pleure. Oui. Et s'il n'y a pas également, si les pleurs ne sont pas une réponse, ce ne sont pas un masque parce qu'elle ne sait que répondre. Oui, je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore vu le film qu'elle pleure de nervosité parce que Octave impose sa présence à un moment où elle a vraiment quelque chose d'autre en tête puisque elle a décidé de répondre à la séduction d'un garçon qu'elle a rencontré. Donc il s'agit d'une nervosité qui se traduit par des larmes là, mais là encore sans que le personnage soit amoindri, je crois. Ah non, moi je pense pas, au contraire. Je pense que si la chose avait été jouée sans larmes, enfin, si elle avait répondu assez sèchement, comme le texte pouvait le lui indiquer, en disant le texte d'une façon neutre, la scène existait tout de même. Mais à ce moment, je pense que ça aurait été plus déplaisant, ça aurait été... Enfin, elle aurait été... on serait certainement moins intéressé à elle. Et par ricochet, on serait également moins intéressé à Octave, qui paraît très déplaisant lui au début lorsqu'il pose cette question. Qui est-ce? Mais qui, en fin de compte, je crois, à la fin, atteint lui aussi au pathétique, quand il dit « Est-ce que tu me trouves beau ?» Alors, nous approchons des dernières minutes de ce nouvel entretien avec Éric Rohmer. Alors, je ne peux pas ne pas penser au Éric Rohmer qui écrivait en tête d'un article, je crois, sur Rossellini ou sur Hitchcock, je ne sais plus, « Génie du christianisme ». Alors, je voudrais savoir où en êtes-vous encore avec la philosophie, la métaphysique et les idées en général. Je n'ai pas de réponse à ça. Alors que on voit très très bien le moment où Rossellini n'a plus, où la religion n'a plus été, ou encore que n'a plus été au premier plan des préoccupations de Rossellini au profit d'une idée qui était celle de la civilisation. Mais je me demande s'il y a encore chez vous des préoccupations de cet ordre. Je ne sais pas, mais enfin, je trouve que dans les comédies et proverbes, il y a plus de. Enfin, si on peut dire, il y a plus de charité, si on peut employer ce terme, que dans les contes moraux, je trouve. Enfin, c'est-à-dire, charité, c'est-à-dire, il y a plus d'amour pour les êtres. Alors, c'est pour ça que vous avez parlé vous-même, à propos de chaque film, de méchanceté, je ne sais pas quoi. Je n'aime pas du tout, parce que je ne trouve pas. En tout cas, je pense que je m'intéresse plus. Au fond des êtres, à leur souffrance, que moment où j'écrivais Manuel Maud, certainement. Voilà ce que je peux répondre. Maintenant, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive, cet intérêt que j'éprouve, est-ce que j'arrive à l'exprimer profondément? Est-ce que j'arrive à toucher les spectateurs? Est-ce que le spectateur ne voit pas l'envers? Ce qui apparaît au spectateur, ce n'est pas l'envers de ce que moi-même je cherche. Après tout, c'est peut-être possible. Mais si c'est ça, c'est que je n'ai pas réussi mon propos. Ah non, je ne sais plus à quel propos, sur quel film j'avais parlé, si, de méchanceté. Je ne sais pas, si, il me semble, ou cruauté, peut-être pas méchanceté, cruauté, un terme de ce genre. Toujours en équilibre avec autre chose, je suppose. Peut-être, oui, d'accord, mais c'était à propos d'un des films récents que vous aviez employé ce terme, un de ces termes. Bon, enfin, peu importe, en tout cas, il n'y a de ma part ni méchanceté, ni cruauté. Mais au contraire, un intérêt très profond pour les personnages que je montre. Ah, ça, c'est complètement. Oui. Alors là, je peux vous dire que pour ce qui est de. Non, mais l'incompréhension peut venir du fait qu'à partir du moment où cet intérêt et cette charité sont là, vous prenez bien entendu la précaution de faire l'inverse, c'est-à-dire d'utiliser la méthode de Renoir, c'est-à-dire de passer à l'inverse pour souligner ce que vous voulez souligner. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple le plus net, qui est celui de Béatrice Roman dans Un beau mariage, indéniablement, vous éprouvez pour elle les sentiments que vous dites, mais vous vous efforcez tout au long du film de mettre ces sentiments à l'épreuve de ce que ce personnage peut avoir d'agaçant, tout simplement. Oui, enfin, disons que je n'ai pas changé, c'est-à-dire que je suis toujours spiritualiste profondément, c'est-à-dire que je crois à la liberté de l'âme, à la liberté, j'ai de l'âme, de l'esprit ou de l'âme. Je ne crois pas au déterminisme. Alors je pense que beaucoup de cinéastes contemporains sont des gens qui sont déterministes, qui essaient de montrer que les hommes sont... sont conduits par des mobiles dont ils n'ont pas conscience. Ils sont le jouet des événements, etc. Bon, en fait, c'est bon. Eh bien, cette philosophie-là, ce n'est pas du tout la mienne. Et elle continue de n'être pas la mienne, comme je l'ai dit récemment, je crois, à propos de ces écrits dont vous parlez. Donc, à cet égard, il y aurait au contraire un approfondissement de ce que vous ressentiez depuis l'époque. Non. Oui, je pense que ce personnage défend sa liberté. Peut-être qu'il a une idée de la liberté qui est superficielle. Mais on ne le montre pas. Hein. Je ne montre pas jouer des événements. Je ne montre pas que cette idée qui est de la liberté, ça n'a pas de fondement. Non, je montre tout simplement qu'il se trompe, peut-être, et que cette liberté est plus difficile à conquérir qu'on ne pense. Et, là, vous parlez de Louise. Quand je parle de Louise, c'est ça. Oui. Mais je ne le montre en aucune façon conditionné par quoi que ce soit. Comme d'autres cinéastes, de très grands cinéastes, ont pu le faire. Oui, alors, oui. Je veux dire que, pour prendre un exemple, si vous voulez, puisque c'est quelqu'un qu'on peut citer, qui est un cinéaste, mes personnages seraient différents des personnages, disons, d'Antonioni. Bon. Et de ce côté-là, il ressemblerait plus, j'aimerais qu'il ressemble plus au personnage de Rossellini. C'est-à-dire, peut-être que Rossellini ne serait pas d'accord, puisque, vous souvenez, je lui avais présenté jadis mon scénario Le Signe du Lion, et il n'avait pas aimé du tout. Non, mais de ce point de vue-là, Rossellini ne pouvait pas s'intéresser à autre chose que... D'accord. Il n'était pas du tout cinéphile, lui. Oui. Il n'était pas du tout cinéphile, parce que les gens dont on dit aurait dû être prêt, il en était très loin, il ne se rendait... Enfin, la façon dont il s'est fâché contre Rouche à un certain moment, c'est absurde, là aussi, puisque il ne comprenait absolument pas ce que voulait faire Rouche. Il prétendait que Rouche était devenu l'esclave de sa caméra vérité, alors que c'était tout le contraire. Ce que recherchait Rouche n'était pas du tout le constat documentaire, d'aucune façon. Donc, enfin, que Rossellini le veut. Ou non, je reste Rossellini de ce point de vue. C'était Le cinéma des cinéastes. Claude-Jean-Philippe recevait Éric Rohmer pour son film Les Nuits de la pleine lune, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 septembre 1984. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits. No sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Como un manantial lleno mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus labios o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, más no sé, no sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. De tanto esperar tu llegada, más no sé, sé decirte cómo fue, ni sé explicarme qué pasó.